rivière de phrases, ruisseau de mots. J'entends des voix comme des échos. Fleuve de musique, mer de sanglots. Les sons naviguent comme des bateaux. Leurs paroles comme des prières résonnent, je ne peux rien y faire. Rire dans ma tête, les images se répètent, je peux oublier tout mon passé, ne plus bouger, même en pensée, en pensée. Je voudrais toucher la lumière, des rires dans ma tête, rires dans ma tête, des images qui se répètent, images. Je peux oublier tout mon passé. Ne plus bouger, même en pensée.